sais, Mila, on s'est connus, j'en avais rien à foutre de rien. Mais ouais, ton petit minois m'a plu, c'est là que j'ai cloué mon destin. J'ai commencé à te brancher sur la musique et tous ces trucs, ces machins qui fait que l'on survit, entouré de tous ces trouducs. T'as commencé à te rapprocher, puis moi aussi ça tombait bien. Quand tu tombais, quand tu pleurais, c'est moi qui te tendais la main. C'était comme dans le paradis, putain ouais, c'était comme un rêve. Mila, tu sais, quand tu souris, c'est l'immensité qui se soulève. Elle m'a fait oublier l'alcool, oublier qu'il faut pas mourir. Enfin t'as compris mon ami, elle m'a fait oublier le pire. On naviguait dans les eaux claires, et puis parfois dans les orages. Dans son sourire il y avait la mer, et j'ai plongé jusqu'au naufrage. Dans son regard il y avait le soleil, et putain qu'est-ce que j'ai bronzé. Le cul à l'air tellement heureux, qu'est-ce qu'on est con quand on est gay. Mila, oh Mila, oh Mila. Et puis Mila, oui, on s'est vu dans un petit appart perdu. On a passé une soirée folle, on a tué toutes les idoles. On a surpassé tous ces cons, toi dans ta voix, moi dans ton corps. On a recréé le Panthéon, on a changé la merde en or. Embrasser une fille qu'on admire, putain mec, tu peux pas savoir. Y'a que dans les films de vampires qu'on fait encore l'amour comme ça. Mais voilà, les vampires, tu sais, ça suce le sang jusqu'à la horte. Ça te fait jouir puis te laisse crever à l'agonie devant la porte. Mais vas-y, bouffe encore mon cou, suce-le, oui, juste encore un peu. Si ton feu me brûle de partout, Mila, moi je n'ai que ce feu. Mila, Mila, oh Mila. Quand tu m'embrasses, j'oublie la vie. Quand tu m'enlaces, j'oublie la mort. Quand t'es là, y'a plus rien qui existe, rien que mon âme au fond de ton corps. Notre bulle inatteignable, c'est vrai, un peu mouvementée mais si belle. N'oublie jamais ma Milouchka, cette bulle elle était bien réelle. Aujourd'hui je suis seul comme un con à cause d'une putain de maladie qui ronge mon cœur et mon cerveau et me rend parano et aigri. Cette putain de peur de l'abandon, d'une enfance de merde mon amour. De trois petits viols et puis s'en vont, et mon printemps et mes beaux jours. Prends ça dans le cul ouais mon petit, et va te construire une psyché saine. Et puis n'oublie pas d'être parfait pour bien rentrer dans la moyenne. Et si tu veux avoir une fille, une Milouchka ou une putain, ferme bien ta gueule et puis souris, et fais-lui croire que tout va bien. Fais-lui croire que t'es un mec léger, fais-lui croire que t'es un normi. Si tu montres tes mauvais côtés, crois-moi mon gars, ouais c'est fini. Pour moi maintenant c'est terminé, moi j'ai pas su jouer ma chance. L'as de cœur que j'avais pioché s'est planté dans le cul de la souffrance. Je suis comme ce type de 50 ans que t'as baisé un soir d'ivresse. Au fond je suis plus rien qu'un manon qui demande l'aumône d'un peu de tendresse. Au fond j'ai jamais rien été, ni maintenant ni avant tu sais. C'est juste toi qui avais mal cru que j'étais un homme à aimer. Mais on n'aime pas les paillassons, on s'en sert et puis on les jette. Toutes les ordures à la poubelle, et j'en suis une, faut être honnête. Je dis pas que t'as joué avec ma peau, non toi je sais t'es bienveillante. Puis si j'étais un jeu vidéo, je serais interdit à la vente. Toi tu mystifiais le réel, t'étais mystique si déchirante. En vrai moi je voyais déjà nos gosses dans une ferme en Poitou-Charentes. Ils m'auraient sauté dans les bras, toi qui jouais de la guitare plus loin. Mais ma seule môme c'est la vodka, et le génépi mon seul destin. Dans ton ventre il y avait le monde, puis dans ton bas-ventre il y avait moi. Au cœur de chaque foutue seconde, il y avait de la joie, il y avait de la joie. Alors maintenant que tu veux me laisser, laisse-moi mais fais-le en beauté. Vas-y repose-moi où tu m'as pris, avec ma gratte et mon whisky. Et t'en fais pas pour moi ma belle, de façon je suis mort depuis la naissance. Mais non Mila, je suis pas cruel, j'ai juste perdu toute ma décence. Je traîne dans les bars, tu sais pas, avec le souvenir de ta peau. Les yeux embrumés de vodka, le cœur qui tombe. comme un bateau. Je bois pour exploser mon cœur, et puis aussi pour t'oublier, pour oublier toute ma laideur. Toi tu transformes en beauté, pour oublier que je vois tous ces couples longueur d'année qui se donnent la main. Pendant que je décuve sur mon banc, je voudrais buter tous ces crétins. Oublier que j'avais une couronne, que quand tu m'aimais j'étais quelqu'un, et que maintenant je suis plus personne, et que maintenant je suis plus rien. Pour oublier que ce monde est mort, et que moi je suis mort au monde. Oublier que t'as rejoint le soleil, et que je suis rentré dans la pénombre. Je suis un aventurier triste, solitaire à perpétuité, sur une terre de plus en plus sinistre. Mila, je voudrais tout faire péter. Mila, si ce monde explose bientôt, pourvu qu'il explose avec toi. Mila, dans une autre galaxie, Mila, je sais qu'on se retrouvera. Mila, je sais qu'on se retrouvera. Oui, je sais bien qu'on se retrouvera. Mila, dans cette autre galaxie, enfin on sera toi et moi. Toi et moi.